Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, chapitre 1er. Avantages de la dévotion envers Marie. Il n'est rien, à mon avis, de plus désirable, de plus avantageux pour le criminel, dont la cause pend au tribunal d'un juge suprême et indépendant, que de trouver quelques personnes puissantes, en faveur auprès de ce juge, et qui d'ailleurs puisse et veuille bien se charger de plaider la cause. Voyez l'infortuné Absalom coupable d'un horrible forfait, il s'est volontairement exilé loin de sa patrie et de la maison paternelle, et vit retiré à la cour du roi de Jésus. Sa cause est portée au tribunal de David, son roi, son père et son juge suprême. Il a commis un crime capital, la justice réclame la mort de celui qui a osé attenter à la vie du fils de son souverain. Quelle sera l'issue de cette cause? Quel espoir fondé peut avoir Absalom d'obtenir son pardon? S'il se considère lui seul avec ses actes, il ne peut s'attendre qu'à une condamnation inévitable. Heureusement pour lui, une femme sage interpose efficacement sa médiation auprès du souverain, le coupable est absous. Absalom entend proclamer son pardon, il lui est permis de rentrer à Jérusalem. Ne sommes-nous pas dans le même cas qu'Absalom? N'avons-nous pas, comme lui, donné la mort par nos péchés au Fils bien-aimé, au Fils unique du souverain Seigneur? Nous voilà donc exilés de la Jérusalem céleste. Nous restera-t-il quelque espoir d'y rentrer? Pourrons-nous espérer de voir la divine justice s'apaiser à notre égard? Oui, espérons-le. Ayons confiance, une femme sage intercède puissamment pour nous. Dieu, le Père des miséricordes, veut en sa considération user envers nous de cette compassion à laquelle son cœur bienfaisant l'inclinait déjà. Ce qui a été dit jusqu'ici suffirait pour faire connaître combien on doit faire cas de la protection de Marie, et par conséquent combien on doit estimer la dévotion envers cette auguste Vierge. Toutefois, il sera bon d'insister un peu et de faire voir d'abord avec quel amour Marie intercède auprès de Dieu en faveur de ses serviteurs, ensuite, combien sa médiation est efficace. De là, nous conclurons que la dévotion envers la très sainte Vierge est un gage certain de prédestination à la gloire, une assurance de la félicité bienheureuse. Que la Sainte Vierge s'interpose auprès du trône de la divine justice en faveur des hommes, c'est une vérité qui n'a jamais été niée, excepté par les hérétiques qui nient généralement l'intercession des saints, régnant avec Dieu dans le ciel. Tels furent Vigilance, les Vaudois, les Cathares, les Wycliffites, les Luthériens et autres semblables, voir Suarez, volume 12, page 174. Ces impies s'appuyaient sur la spécieuse raison que ce serait déroger à la bonté de Dieu que de vouloir introduire auprès de lui des intercesseurs, que ce serait déroger aussi à l'efficacité de la médiation de Jésus-Christ, que l'apôtre appelle l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ et Sauveur, 1 Timothée 2, 5. Mais ce ne sont pas là des raisons, ce sont de pures chicanes auxquelles nous répondrons après avoir établi le sentiment de l'Église catholique, notre mère, touchant cet article. Nous dirons donc que la Sainte Vierge, vivant dans le ciel, prie et intercède pour nous. Cette proposition, dit Suarez, et deux fois d'après le commun sentiment de l'Église et de la tradition, et on pourrait le démontrer par tous les arguments qui servent à prouver que les saints intercèdent pour nous, ces arguments sont innombrables, et ils militent avec d'autant plus de force en faveur de Marie qu'elle est la reine de tous les saints. Si les anges offrent à Dieu nos prières, Comme on le voit dans l'histoire de Tobie, si c'est par leurs mains et par celles des saints que nos supplications s'élèvent, comme un encens d'agréable odeur, jusqu'au trône de la divinité, ainsi qu'il est dit dans l'Apocalypse, à combien plus forte raison ne peut-on pas en dire autant de Marie, pourrait-elle demeurer oisive, tandis que toute la cour céleste serait occupée à nous secourir, où serait alors sa charité, où seraient ses entrailles maternelles? Ah non, non, ne craignons pas. Et qui donc? S'écrie Saint Germain, en s'adressant à la Sainte Vierge, Suarez, ibidem, et qui donc, ô Vierge Sainte, prend soin du genre humain autant que vous, qui nous protège comme vous au milieu de nos adversités, qui par ses prières combat plus vaillamment que vous. De même que Marie, ajoute Saint Augustin, est la plus puissante de toutes les créatures auprès de Dieu, elle est aussi la plus empressée à voler à notre secours, Saint Augustin dans Suarez. Pourquoi en effet Dieu l'a-t-il élevée au ciel, sinon afin qu'elle intercède avec plus de confiance pour nous auprès de la divine clémence, confère vigile assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Irons-nous croire Marie capable de manquer à l'office qui lui a été imposé, loin de Marie? Puis-je dire avec Saint Bernard, loin de Marie une tâche semblable, loin de ses serviteurs un tel soupçon. Marie intercède pour nous dans le ciel, oui, elle intercède, et avec quelle assiduité, avec quelle ferveur, surtout, ce qui nous intéresse le plus, avec quelle efficacité. Je ne saurais mieux exprimer l'efficacité de la médiation de Marie, qu'en me servant des paroles du sage pontife Benoît XIV, si châtié dans ses expressions, écoutons-le donc. L'intercession de Marie auprès de Dieu, dit-il, a une force souveraine et beaucoup plus grande que celle de tous les saints. Figurez-vous donc, ce qui est impossible en réalité, que tous les saints et les esprits bienheureux qui sont dans le ciel demandassent de concert votre condamnation au trône de la justice divine, et que d'un autre côté Marie seule implora pour votre salut, le Très-Haut se laisserait fléchir par les prières de Marie, sans se mettre en peine, s'il est permis de parler ainsi, de ce que pourraient dire ou penser les autres habitants de la cour céleste. La supposition, bien que propre à servir d'explication, est cependant impossible, comme je l'ai fait remarquer, car si Marie prie pour nous, elle attire après elle toute la multitude des bienheureux, qui sans aucun doute se font gloire de suivre leur reine. Avant Benoît XIV, l'illustre Suarez a énoncé la même vérité plus clairement encore. Au volume 17, page 187, je crois, dit-il, que la Sainte Vierge surpasse en puissance et en efficacité auprès de Dieu, non seulement chaque saint en particulier, mais même la cour céleste tout entière. Ceci est une conséquence légitime de ce que nous avons dit ailleurs, après le même auteur, touchant l'amour que Dieu porte à Marie. Reprenons l'argument, l'intercession d'une créature auprès de Dieu est d'autant plus efficace, que cette créature elle-même est plus chère à Dieu, or la très sainte Vierge est plus chère à Dieu, non seulement qu'aucun autre saint en particulier, mais même que tous les saints et tous les esprits bienheureux ensemble, donc son intercession auprès de Dieu est aussi plus efficace que ne le serait celle de tous les saints et de tous les esprits bienheureux réunis ensemble. L'efficacité de la médiation de la Mère de Dieu est telle, dit Saint Germain, qu'elle surpasse tout ce que peut comprendre une intelligence créée, confère Suarez, ibidem. Cela étant, je ne m'étonne pas de la manière dont les saints pères se sont exprimés en parlant de l'intercession de Marie, je ne suis pas surpris de cette expression emphatique, Elle commente plutôt qu'elle ne prie, non pas, comprenez le bien, que Marie soit supérieure à Dieu, non assurément, ce serait une impiété que de le supposer, mais dans ce sens seulement que les suppliques de Marie sont si agréables au Très-Haut qu'elles reçoivent toujours une réponse favorable, en sorte qu'en en voyant les effets, nous pouvons les croire des ordres plutôt que des prières. Dieu proteste qu'il veut faire la volonté de celui qui le craint, à combien plus forte raison ne fera-t-il pas celle de celui qu'il aime et qu'il aime autant que Marie, que ne pourra pas obtenir une telle mère auprès de son fils, et d'un fils si cher. Si Marie en présentant une supplique en notre faveur venait à essuyer un refus, il faudrait ou qu'elle eût demandé une chose opposée à la volonté de Dieu, ou que Jésus, son divin fils, eût pris plaisir à affliger sa mère. Or on ne peut en aucune manière admettre ni l'une ni l'autre de ces deux suppositions. On ne peut admettre la première, car que désirons-nous obtenir par l'entremise de Marie? Certainement si nous désirions des choses mauvaises, ou même bonnes en elles-mêmes, mais qui ne le sont pas relativement à nous. Nous n'aurions guère sujet de nous confier dans son intercession, en mère sage et prudente, elle nous refuserait des armes avec lesquelles elle prévoit que nous nous donnerions la mort. Que cela serve à détromper ces personnes qui ne demandent autre chose à la Sainte Vierge que des biens temporels, des honneurs, des richesses, des emplois, des dignités, etc. Elle pourrait fort bien leur dire ce que Jésus-Christ dit un jour à ses apôtres. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, parce que, ajoute saint Augustin, en comparaison de ce que vous auriez dû demander, ces choses-là doivent être réputées pour rien. Saint Augustin in Evangelium Johannis. Vous n'avez rien demandé, parce que ces choses-là pourraient vous devenir nuisibles. Elle pourrait par votre malice devenir des pierres de scandale et des occasions de ruine. J'aime à supposer, mon cher frère, que ce ne sont pas là les biens que vous demandez à Marie, et que vous espérez obtenir par son intercession. Non, il me semble plutôt vous entendre répéter, « Je ne demande qu'une seule chose, c'est le salut éternel, voilà, dites-vous. » La seule chose qui m'intéresse, la seule qui me soit à cœur, la vie éternelle et tout ce qui mène à la vie éternelle. S'il en est ainsi, soyez en sûreté, Marie intercédera volontiers pour vous, et sa prière ne sera point rejetée, autrement il faudrait dire que son fils non seulement a renié l'amour qu'il portait à une mère si aimable et si chère, mais qu'il est devenu son ennemi, et qu'il se plaît à la contrister, en lui refusant ce qui n'est pas moins conforme au cœur amoureux du fils qu'à celui de la mère. Une telle supposition serait certainement un blasphème. Non, non, Jésus ne veut point contrister Marie, il veut au contraire l'honorer, il veut, en considération d'elle, nous faire part de ses grâces et de ses miséricordes. Et voilà quel peut être le motif qui fait que nous obtenons parfois plus promptement le salut en le demandant par l'intercession de Marie, comme l'assure saint Anselme, qu'en nous adressant directement à Jésus-Christ son Fils unique. Confère saint Anselme, non pas, faites-y attention, ajoute le même saint, non pas que la Sainte Vierge soit plus élevée ou plus puissante que son Fils, puisque Marie est puissante par Jésus, et non pas Jésus par Marie. Mais d'où vient donc qu'en invoquant la Mère on est souvent plus facilement exaucé, qu'en s'adressant au Fils? Je vous dirai ce que j'en pense, son Fils est Seigneur et juge de tous les hommes. Il a égard par conséquent aux mérites et aux démérites de chacun, et quand à cause de nos démérites il nous refuse une grâce, il est dans les droits de sa justice. Mais si nous avons recours à lui par l'entremise de sa divine mère, quelque pécheur, quelque indigne que nous soyons d'obtenir la faveur que nous désirons, les mérites de la mère qui intercède pour nous la rendent toujours digne d'être exaucée. Ceci s'explique encore par la manière d'agir ordinaire des hommes. Bien souvent nous voyons qu'un suppliant qui a éprouvé un refus de la part d'un prince, obtient ensuite la faveur qu'il sollicite, en employant la médiation de quelques favoris. Je crois après cela avoir suffisamment démontré l'efficacité de l'intercession de Marie, et dissiper en même temps l'erreur de ceux qui prétendent qu'elle déroge à la bonté divine et à la dignité de Jésus-Christ, le médiateur unique. Soyons-en persuadés, si Marie intercède pour nous, si elle interpose sa médiation en notre faveur, nous sommes assurés de notre salut éternel, n'en doutons pas. Il est impossible, dit le même saint docteur, que celui-là périsse qui de tout cœur a recours à Marie, et obtient d'elle un regard bienveillant. Cela est si vrai, que les théologiens sont unanimes à donner comme un signe de prédestination la dévotion à Marie. Quelques-uns se creusent la tête en vain pour pénétrer le profond secret de la prédestination. Ô insensés que vous êtes, leur dirais-je volontiers à tous, à quoi bon consumer si inutilement le temps, et songez à devenir de vrais serviteurs de Marie, et vivez en sûreté, celui qui sera marqué de ce caractère, sera inscrit sur le livre de vie, celui qui a le bonheur de trouver Marie, trouvera la vie et il recevra son salut du Seigneur. Mon cher lecteur, nous avons jeté un coup d'œil rapide sur l'excellence et la valeur du trésor de la dévotion envers Marie. Je crois que vous avez ressenti un vif désir de le posséder à tout prix, de vendre tout, s'il est nécessaire pour acheter cette perle précieuse. Oui, oui, donnons tout pour posséder la dévotion à Marie, pour captiver sa bienveillance, pour mériter sa protection, pour nous rendre dignes de son amour. Oh que nous serons heureux alors! Que pourrait-il nous manquer? Nous posséderons tout en possédant Marie. Nous n'aurons plus qu'une chose à craindre, c'est de perdre par notre faute un trésor si inestimable. Tenons-le donc fortement, si déjà nous le possédons, cherchons-le. Si nous ne l'avons pas encore, saisissez-la comme vous le pouvez, et après cela ne craignez plus rien. Ô ma chère mère, désormais cherche qui veut les richesses et les biens de cette vie, cours qui veut après les honneurs et les plaisirs temporels. Pour moi je renonce à leurs espérances trompeuses, des trésors plus riches, des honneurs plus sublimes, des plaisirs plus purs me sont préparés par le Très-Haut, et je les posséderai tous, si j'ai la dévotion envers vous. C'est elle que je veux, que je désire, que je demande, et je ne cesserai point de la demander que je ne l'ai obtenue, mais à qui m'adresserai-je pour obtenir un bien si précieux? C'est à vous-même, ô Marie, c'est à vous que je dois recourir, à vous par le moyen de laquelle le grand Dieu dispense toutes ses faveurs. Oui, j'ai recours à vous pour vous trouver, j'ai recours à vous pour obtenir votre dévotion. Daignez, ô ma mère, m'apprendre ce que je dois faire pour être votre dévoué serviteur. C'est à quoi je veux maintenant m'occuper, je rechercherai quel est le vrai serviteur de Marie, afin de connaître si je puis avec raison me glorifier d'un titre aussi honorable. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.